Grand 4, le monde. Deuxièmement, les femmes et les jeunes filles. Quantité de notes prises pendant des mois après ses premières sur ce monde américain dont j'avais eu à Newport la sensation la plus complète en même temps que la plus saisissante, je l'ai revue, et sous toutes ses faces à Boston, à Chicago, à New York de nouveau et à Washington. Ces notes griffonnées au jour le jour, croquis du peintre destiné à se fondre plus tard dans quelques tableaux définitifs, je viens de les feuilleter à plusieurs reprises, avec l'idée de les classer, de les résumer, en quelques formules un peu nettes. J'ai trouvé à cette synthèse une difficulté qui provient moins de leur abondance que d'un travail de métamorphose accompli dans mon esprit par ce long voyage et par ces multiples expériences. De même que ces mots « les États-Unis » se traduisent aujourd'hui pour moi en des millions d'images concrètes et distinctes, au lieu qu'à l'arrivée il me figurait une grande masse d'idées confuses et indéterminées, de même que ces autres mots « le monde américain » ont cessé de m'exprimer cette chose unique dont j'avais encore le préjugé à Newport. Il n'y a pas un monde américain comme il y a un monde français et un monde anglais. Aux États-Unis, autant de villes, autant de sociétés. Et comme aucune de ces villes n'est parvenue à s'assurer une domination de mode analogue à celle que Paris exerce sur nos trois provinces, cela fait toutes sortes de centres de vie sociale dont chacun mériterait une monographie. Certains romanciers demeurent et y travaillent, parmi lesquels je citerai M. Chatfield, Taylor, à qui nous devons déjà de si curieuses esquisses du Chicago Fashionable. Le langage vulgaire lui-même constate ces différences d'existence mondaine, avec ses grossissements propres aux locutions proverbiales. Combien de fois au cours de ce voyage m'a-t-on répété « À Boston, les gens vous demandent ce que vous savez. À New York, combien d'argent vous valez. À Philadelphie, ce qu'étaient vos parents. » Cet épigrammatique dicton n'est pas tout à fait exact. Il m'a semblé qu'à New York, par exemple, les peintres, les sculpteurs, les écrivains et les artistes de théâtre étaient assurés d'un accueil aussi cordial que dans la vieille et savante citadelle puritaine, le hub du Massachusetts. Il n'en demeure pas moins évident que l'intensité de la culture est plus générale et plus violente à Boston, la frénésie du luxe plus forte à New York, et qu'à Chicago il y a plus d'imitation, plus d'incertitude dans la recherche de ce qui convient. J'ai vu au théâtre dans cette dernière ville des dames se lever pour aller saluer un acteur, derrière la toile, sur la proposition d'un de leurs cavaliers. Puis, comme une personne de Boston se refusait à cette excursion dans les coulisses, elles se rassirent avec l'évidence dans leurs yeux de cette pensée « Tiens, cela ne se fait pas ». Elles se languissent de Washington. « Quel séjour agréable !» me disait l'une d'elles. « Les hommes n'y sont pas occupés comme ici. Ils sont dans la politique ou quelque chose comme cela. They have plenty of time for afternoon tea. » Cette abondance de temps à dépenser dans des thés de 5 heures donne en effet à la cité des bords du Potomac une physionomie d'un Dred ou d'un Weimar. On se croirait à parcourir ces rues bordées de petits hôtels privés, sans traces d'affaires ou de commerce, dans quelques strass d'une capitale allemande, et cette souplesse aisée de la vie sociale fait un contraste singulier avec la surcharge des autres villes. J'imagine que Frisco, comme les contempteurs de l'Ouest s'obstinent à appeler San Francisco, doit avoir de même sa coterie mondaine, très distincte, très spéciale, très originale, et aussi Saint-Louis, et surtout la Nouvelle-Orléans. Il en résulte que le voyageur retrouve mal, après quelque temps, cette première impression d'unité, laquelle est pourtant vraie aussi. Car ces mondes divers ne sont que des variétés d'une espèce et comme des groupes dans un groupe. En tout cas, ils ont un trait en commun sur lequel il est si peu possible de se tromper, que les plus superficiels l'ont remarqué comme les plus profonds. Le touriste de 2 semaines, comme un Brice ou un Claudio Janet. Toutes ces vies sociales, si différentes soient-elles, sont uniquement, absolument l'œuvre de la femme. C'est pour la femme et par la femme que ces mondes existent, en sorte que, pour les comprendre, dans leur naissance et dans leur développement, c'est la femme américaine qu'il faut considérer et comprendre d'abord. Tâche malaisée par tout pays et davantage encore quand il s'agit de créatures aussi complètes et aussi complexes, dont chacune est une volonté à part, un petit univers d'idées, de sentiments, d'ambitions. À tout hasard, voici quelques réflexions et de nouveau quelques crayonnages, choisis entre 200 autres comme un peu plus représentatifs. Un premier problème s'impose d'ordre tout historique et dont la solution expliquerait du moins comment s'est fabriqué ce produit suprême de cette civilisation. D'où vient que les hommes de ce pays, si énergiques, si volontaires, si dominateurs, aient laissé leurs femmes secouer plus entièrement que partout ailleurs l'autorité masculine? Il semblerait que ces rudes conquérants, habitués à tout voir plier devant leur audace et leur brutalité, dussent être les plus incapables de tolérer à leur foyer une volonté, une initiative, une action, une personnalité enfin égale à la leur, qui existe par soi-même, à côté et en face d'eux. Le fait est là, indiscutable, et s'ils s'observent davantage dans la vie mondaine, le moindre détail demeure le révèle également. Pas un hôtel, pas une banque, pas un édifice public qui n'ait une entrée des dames, par où ces dernières vont et viennent, aussi indépendantes, aussi maîtresses d'elles-mêmes que peuvent l'être les hommes. Une d'elles monte dans un de ces tramways électriques, ou à chaîne, comme il en foisonne aux États-Unis. Toutes les places sont prises. 19 fois sur 20, un homme se lève pour donner à la nouvelle venue un siège, qu'elle accepte sans remercier, tant la prévenance lui paraît naturelle. Si cette règle souffre une exception, c'est que certaines femmes trouvent abusif et humiliant d'être traitées autrement que les hommes. Que les jeunes filles des meilleures familles sortent seules en voiture et à pied, c'est un détail de mœurs, tellement connu qu'on aurait honte de le citer, sinon pour le traduire dans sa vérité. C'est la preuve de leur libre allure et aussi du respect que les Américains ont pour elles. Un homme qui regarderait une femme seule avec trop d'attention serait si déconsidéré que même les pires malotrus ne s'y hasardent guère. Que dis-je ? Ils n'y pensent pas, tant l'habitude est prise de l'égalité entre les deux sexes. Et elle va, cette égalité, du petit au grand. Vous visitez une école publique, vous y voyez les filles travaillant avec les garçons, et la leçon faite indifféremment par un homme ou par une femme. Vous entrez dans un laboratoire d'université, des jeunes filles sont penchées sur le microscope, qui regarde une préparation anatomique, côte à côte avec des étudiants. Vous recevez un reporter qui vient, sans se nommer, de la part d'un grand journal. C'est une femme, et qui demande à vous interviewer. Vous cherchez l'adresse d'un médecin, vous constatez que le nombre des femmes docteurs est égal à celui des hommes, ou sinon égal, assez élevé pour que l'exercice de ce métier ne soit plus parmi elles une exception. Vous allez dans un tribunal, le secrétaire qui transcrit les arrêts est une femme. Des femmes sont avocats, des femmes sont pasteurs de certaines églises. En tête d'un livre consacré au recensement des fonctions qu'elles occupent aux États-Unis, une d'elles, et qui est un poète de valeur, Julia Ward Howe, a écrit cette phrase orgueilleuse. Elle explique mieux que de longs commentaires l'appétit d'activité qui distingue ici la revendication féminine. La théorie que la femme ne doit pas travailler est une corruption du vieux système aristocratique. Le respect du labeur est le fondement d'une vraie démocratie. Quoi d'étonnant si des créatures qui ont cet orgueil hardi, cette conscience affirmée de leur individu, et qui se sont conquis d'un droit d'action dans les emplois les plus étrangers à leur sexe, règnent sans conteste dans l'emploi le plus fait pour elles, le maniement de la vie sociale. L'origine même de cette vie sociale en Amérique, telle que je l'ai marquée déjà, veut qu'il en soit de la sorte. Ici, les femmes qui sont du monde n'ont pas reçu comme chez nous, comme en Angleterre, une autre éducation que celles qui n'en sont pas. Leur naissance n'est pas autre, leur famille n'est pas autre, leur caractère n'est pas autre. Elles y apportent la même vigueur de résolution, la même force de réalisme, la même indépendance de personnalité. Il reste à savoir pourquoi l'homme laisse naître et grandir cette indépendance. Il y a des raisons complexes à ce phénomène et que d'excellents observateurs ont signalé. Tout d'abord, cette fièvre de démocratie, justement, cette idolâtrie de la doctrine égalitaire, qui fut pendant 100 ans une des passions et une des fiertés de l'Américain. Encore aujourd'hui, et quoique dans certaines villes de l'Est, les plus vieux préjugés européens fassent invasion et déposent quelque peu de ce que ce jacobin de Stendhal appelait énergiquement le virus aristocratique. Cette idolâtrie de l'égalité demeure très vivante dans la classe moyenne. J'ai vu une salle de théâtre se soulever frénétiquement à ce mot d'un ouvrier entrant au cabaret. « I am a free-born American citizen, and I will go where I please. » De telles théories ont leur logique. L'égalité de la femme et de l'homme était au terme de celle-là. Les sectes religieuses y ont contribué, en donnant à la femme la possibilité de prêcher comme à l'homme. Par conséquent, de se considérer et de se faire considérer comme son égal, en raison, en éloquence, en autorité. Il y a des femmes à l'origine de beaucoup d'entre ces confessions. C'est Anne Lee qui a fondé les Shakers. C'est Barbara Eck qui a réformé les méthodistes. C'est Lucretia Mott qui a donné leur croyance aux Ixites, aux amis qui prêchent comme Tolstoï l'obéissance à la lumière du dedans, obedience to the light within. Sans cesse vous trouverez dans les journaux des annonces comme celle-ci que je copie dans un journal d'Albany. Rev. Anna and Harris will address the men's mass meeting at German Hall at 5 o'clock, to which no boys under 16 will be admitted. Traitées ainsi aux offices, les femmes devaient garder, et elles gardaient à la maison, une place que que les conditions de la conquête du vaste continent achevèrent de rendre plus hautes. Dans ces hameaux de pionniers, qui poussaient toujours plus avant vers l'ouest, ont marqué les étapes de la grande démocratie, en train d'aller de l'Atlantique au Pacifique, les femmes étaient peu nombreuses. Elles étaient bien nécessaires au maintien de cette existence à demi sauvage, où l'homme avait à lutter contre la nature et contre l'homme tout ensemble. Maltraitées, elles n'auraient pu vivre. Elles seraient mortes comme est morte la mère de Lincoln, prise de ce mal mystérieux de la prairie, de cette milk sickness, qui ne pardonne pas. Il fallut les ménager et les protéger. Une sorte de chevalerie singulière se développa ainsi, dont les signes se retrouvent dans ces pièces de mœurs locales que les Américains excellent à écrire, à monter et à jouer. Un type y revient sans cesse, celui d'un campagnard de l'Ouest, personnage rude, amer et loyal, qui chic, qui boit, qui nasille un affreux argot. Mais il reste capable, quand il s'agit d'une femme, du plus romanesque point d'honneur. Nulle part je n'ai rencontré ce singulier héros mieux représenté qu'à Boston, dans une comédie intitulée In Missouri, dans le Missouri, et par un acteur du nom de Godwin. Ce cow-boy matiné de Don Quichotte sauvait la vie à un de ses rivaux sur le point d'être lynché par une foule furieuse. Avec son masque gouailleur et tendu, sa joue enflée de tabac, ses jets de salive projetés au loin, le son crapuleux de sa voix, son chapeau en arrière et son automatisme impassible, le comédien apparaissait comme l'incarnation même du goujat sentimental et honnête. Il y en avait pour moi, simple étranger, un contraste étonnant entre les applaudissements dont le public soulignait ses générosités et l'aisance avec laquelle ce même public acceptait l'idée du lynchage. L'une et l'autre chose est dans les mœurs. C'est par des centaines d'influences pareilles que s'est élaborée la création particulière de la femme américaine. Ce sont les racines par lesquelles l'indépendance frivole et capricieuse d'une fille de millionnaire va plongeant au loin dans les sources de la vie nationale. Il y a au rapport si étrangement déconcertant de l'américain et de l'américaine une raison plus profonde encore, du moins à mon avis, et physiologique celle-là. Mais quand il s'agit des lois qui régissent les relations des sexes, il faut toujours en revenir à la physiologie. Si les Orientaux, par exemple, ont réduit leurs femmes à un affreux état d'esclavage et de dégradation, c'est qu'ils les ont aimées avec la plus violente sensualité. Or, il se cache dans toute sensualité un fond de haine, parce qu'il s'y cache un fond de jalousie bestiale. Si tout en laissant dans le monde latin plus de liberté aux femmes, nous n'acceptons pas sans révolte l'idée de leur indépendance et de leur initiative personnelle, c'est que nous éprouvons, à travers des raffinements de toute nuance, un peu de ce qu'éprouve l'oriental. La sensualité et le despotisme de sa jalousie sont là. Si l'anglais, au contraire, laisse à l'anglaise plus de liberté, c'est que le climat, la race, la religion ont maté davantage en lui l'ardeur du tempérament. Le « sera juvenus venus » de Tacite est aussi vrai des jeunes gens d'Oxford qu'il était vrai des jeunes gens germains du 1er siècle. Tous ceux qui ont étudié de près les jeunes américains s'accordent à dire qu'ils sont sur ce point pareils aux jeunes anglais, et plus froids encore. Il suffit de penser aux conditions où s'est fait le pays pour comprendre qu'il doit logiquement en être ainsi. Les efforts ininterrompus auxquels ces gens ont dû s'acharner pour conquérir le sol sur les Indiens et sur la nature, la tension nerveuse qu'ils doivent soutenir maintenant, encore pour suffire à l'âpreté de la concurrence, la médiocre nourriture, l'absence de vin et l'intoxication de l'alcool, la fièvre religieuse et l'ardeur politique, 20 causes ont empêché la race de se développer du côté de la volupté. Les arts et la littérature sont choses récentes, en sorte que l'imagination passionnelle n'a pas eu non plus ce dangereux aliment. Un petit fait est étrangement significatif. Il n'y a pas aux États-Unis une statue entièrement nue. Dernièrement, les gens de Boston ont refusé d'accepter pour la façade de la bibliothèque deux enfants du grand sculpteur Saint-Gaudens, parce qu'ils étaient sans vêtements. La municipalité de Chicago a forcé un autre sculpteur de vêtir une ébée destinée à une fontaine et qu'ils avaient faite sans voile. Ces circonstances réunies ont eu ce résultat que le désir de la femme est demeuré au second rang dans les préoccupations de ces hommes. Ce désir, en s'assouvissant, a pu ne devenir ni morbide ni douloureux. L'espèce de cruauté qui se développe dans la trop ardente convoitise est le principe véritable des grandes inégalités de législation et de mœurs, par lesquelles se manifeste la secrète fureur du mâle en défiance de la femelle. Cette cruauté n'existe pas dans la sensibilité de l'Américain. Il semble que cette diminution relative dans l'importance donnée à la vie sensuelle est modifiée bien légèrement, mais modifiée tout de même, jusqu'à la différence d'aspect entre ces deux sexes. Je me souviens qu'à Cambridge, en visitant le Hasty Pudding, un des clubs où les étudiants de Harvard jouent la comédie, j'eus l'occasion d'examiner des photographies où ces jeunes gens étaient représentés dans des rôles et des costumes de femmes. La similitude était surprenante, presque l'identité entre ces portraits et ceux de leur sœur ou de leur cousine, de ces grandes filles sans beaucoup de poitrine, aux épaules tombantes, à la taille souple, qui ont suivi des cours de souplesse et de high-kicking, qui savent lancer leurs pieds à la hauteur de leur tête et tomber de leur haut sans se faire mal. Le type de l'homme, en s'affinant dans le sens de la vigueur nerveuse, a perdu de sa lourdeur primitive. Et d'autre part, le type de la femme, hardie, énergique et entraînée, s'est comme paré d'une grâce plus décidée, plus affermie, moins voluptueuse et délicatement masculine. Ce ne sont là que des indications. Elles aident pourtant à mieux comprendre ce qui fait non pas le tout d'une nation, mais ses dessous. L'animalité de la race et la vie mondaine a beau être luxueuse, artificielle et comblée, c'est cette race qui lui donne son fond. Ou pour prendre une comparaison plus exacte, la trappe de l'étoffe que viendront fleurir les broderies.